tout ta tête dans tous ses états. Je suis le graffiti sur les murs. Côte Crélan, Côte Crélan, ça n'efface pas l'urgence, c'est sûr. Quant à la grisaille des murs, uh-huh, et à la longue fissure, les armures les plus dures. Si on veut le pire et je vous jure, pas fini, non, pas fini, tout donné, tout donné. Pas le moment d'abandonner, changer de donner. Ouais, c'est pour ça qu'on est encore là. Encore là, va foutre le sou. Prêt à foutre le sou, tout le monde est corda. Total respect, marche pour l'équipe dédicace. Comme un football, à Seine, ouais, Salem, Bergalan, Zona. Vita. Je reconnais au débit. Quel clown. Ouais, casse dédié à Thierry. On refrait le gym. Fat Cat Costa Zoxy. Aya 9-3 Connection. Time for some action. Aïe, Veuille, Karim, Scalaire. Avec un fond bestial. Sinister. Néné. Faut donc un gilet pare-balles. Sinister. Présente pour le hip-hop. Putain, tu bues. Crélan. Ça se dédie à Oli. Danny Bill. Stofai. Kill Coach. Baby. Pensez pour le doigt de la part des deux, baby.